je me suis réveillé un peu paumé ce matin, un peu trop trinqué la veille, un peu crevé c'est certain. Ah mais je sors de chez moi pour oublier la gueule de bois. Soudain mon cœur s'emplit de joie, oh. Car je suis étudiant dans ma ville aujourd'hui. Étudiant dans ma ville, je souris. Étudiant dans ma ville, car je suis étudiant dans ma ville. 4 jours de festivité entre médecins et étudiants, défilé, animation, théâtre, concert, j'y vais en courant. Du 24 au 27 septembre, réduction chez les partenaires. Ils ont fait de Metz un lieu d'enfer. Car je suis étudiant dans ma ville aujourd'hui. Étudiant dans ma ville, je souris. Étudiant dans ma ville, car je suis étudiant dans ma ville. Merci, merci étudiant dans ma ville. Grâce à vous, je redécouvre la culture. Grâce à vous, la rentrée 2014 se place sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Court-métrage, animation, repas du monde, flash mob, défilé, graffiti, exposition, concert, émission de radio, théâtre, performance artistique. Car je suis étudiant dans ma ville aujourd'hui. Étudiant dans ma ville, je souris. Étudiant dans ma ville, car je suis étudiant dans ma ville.